Laissez-moi pas décidément pas marron. Décidément délirant. Suicidez-moi pas. Vos propositions ne m'intéressent pas. Moi je veux vivre encore. Suicidez-vous d'abord.